Philippines, au Vietnam. J'en ai eu pour passer 4 jours là-bas. Logement, bouffe, j'ai bouffé comme un porc. Et alcool, j'ai pas mal picolé. J'en ai eu pour 300 euros. Vol complet. Logement, vol, tout. Donc après, Nouvelle-Calédonie, Australie, j'imagine que c'est le prix d'un. Je sais pas moi, d'un Nantes-Budapest. Un Paris-Budapest, on ferait comme ça. Peut-être un peu plus, parce qu'il doit y avoir beaucoup plus de. Mais attends, je t'essaye, il y a un mec qui m'appelle. C'est bien pour la montagne, quoi. Dès que t'avances un petit peu, en gros, c'est une énorme montagne. Sauf que ça. Mais attends, je t'essaye, il y a un mec qui m'appelle.